Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment a été créé le Royaume d'Arabie Saoudite, s'interroge l'historien Henri Laurence. Qu'est-ce que la politique du désert ? Comment Ibn Saoud a-t-il conquis titres et territoires ? Quelles étaient ses relations avec les Britanniques ? Comment Hussein, roi hachémite du Hedjaz, a-t-il tenté de jouer la carte du califat ? Et comment s'est-il heurté à l'habileté d'Ibn Saoud et à ses forces armées ? Comment les Wahhabites, qui étaient à la marge, vont-ils définir le sunnisme à partir de 1926 et du Congrès musulman mondial à la Mecque ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne dans la péninsule arabique dans le cadre de sa nouvelle série intitulée Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956. Le cours précédent s'était achevé hier sur l'interrogation de la dimension politique de l'épopée saoudienne en partant de la réalité du désert, la région centrale du Nejd. Après avoir évoqué la force du premier État saoudien au début du XIXe siècle, qui avait constitué une symbiose religieuse entre nomades et sédentaires, dans une affirmation de l'unicité absolue de Dieu, nous avions découvert le second État saoudien avec comme capitale Riyad. Ce nouvel État avait renforcé l'alliance entre les religieux wahhabites et la famille Saoud. Mais cette dictature religieuse, au cœur de l'Arabie centrale, a été confrontée aux problèmes de succession, la famille régnante étant divisée en clans qui se sont combattus les uns les autres. Fin XIXe siècle, ce second État s'est effondré à son tour. La famille Saoud est exilée, tandis qu'émerge la figure essentielle d'Ibn Saoud, dont nous avons suivi l'ascension de la reconquête de Riyad en 1902 à la conquête de la région Hazza en 1913. Nous avons découvert la synthèse saoudienne au début du XXe siècle qui allie une prédication religieuse intransigeante et un réalisme politique cherchant le soutien d'au moins une grande puissance occidentale. Nous voici au tournant de la Première Guerre mondiale. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 14 novembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence, « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 », aujourd'hui, la naissance du Royaume d'Arabie Saoudite, partie 2. Alors, ce que va faire Ibn Saoud durant les années de guerre, c'est liquider les derniers pouvoirs en Arabie centrale, en particulier les Chamas, qui étaient dans la mouvance ottomane. Alors, il explique aux Britanniques que c'est pour lutter contre les Ottomans, mais en pratique, c'est pour piquer les territoires, en particulier des Rachides, de Chamar, qui est l'émirat rival en Arabie centrale. Donc il n'a qu'un rôle tout à fait secondaire durant la Grande Guerre, tout en augmentant sa puissance, puisqu'on estime qu'en 1918, les Irouanes se montent à 70 000 hommes, donc 70 000 combattants redoutables, ce qui est une force de première grandeur. Donc, à la fin de la guerre, Abdelaziz a annexé de nouveaux territoires. Ses forces armées sont tout à fait considérables. Et dès 1919, il va travailler à grignoter les positions des Hachémites dans le Hedjaz. Et en particulier, il va se heurter aux Hachémites et à Abdallah, le frère de Faisal, dans les batailles autour des oasis de Rourma et de Touraba. Et il faut une intervention britannique pour interdire aux Saoud de marcher sur la Mecque. En 1920, il fait la conquête du Rasir, donc à la frontière avec le Yémen, ce qui coupe le Yémen du Hedjaz. et qui donne maintenant l'accès à la mer Rouge pour les Saouds. En 21, au contraire, Ibn Saoud va essayer de pénétrer dans le saillant entre la Transjordanie et l'Irak en formation, ce qu'on appelle le Wadi Siran. Ce saillant entre l'Irak et la Jordanie. Et en août 1921, comme tous les autres ont des montées en grade, je veux dire, Abdallah est devenu émir de Transjordanie, Faisal est devenu roi d'Irak et Hussein est devenu roi du Hedjaz, il se monte en grade et d'émir, il passe à sultan avec le titre de sultan du Najd et de ses dépendances. Alors, encore une fois, il n'y a pas de frontière fixe parce qu'on raisonne en termes de territoires contrôlés par des tribus et les mêmes territoires peuvent être contrôlés par des tribus différentes parce que les tribus, ça bouge et qu'il y en a qui occupent telle région en hiver et d'autres en été. Et donc, c'est difficile quand on raisonne en mouvance de définir exactement où elles se trouvent. Alors, les Britanniques, en 21, sifflent la fin de la récréation en envoyant l'aviation britannique bombarder un peu les gens pour remettre les idées à la place. Et donc, on arrive à une série d'arbitrages par les autorités britanniques, en particulier celui qui est mené par Sir Percy Cox, qui est le premier haut-commissaire britannique en Irak, qui est le fameux arbitrage de Rouquayr, qui impose la frontière entre le Najd et ses dépendances et le Koweït en novembre 22. Alors, selon un témoin britannique, lors d'une séance plénière de la conférence, Sir Percy Cox prit un crayon et dessina sur la carte de l'Arabie soigneusement une ligne frontalière du golfe Persique au Jabal Anaizan, qui est proche de la frontière transjordanienne. Il donnait ainsi à l'Irak une zone assez large qui était précisément réclamée par le Najd. Puis, bien évidemment, pour apaiser Ibn Saoud, il privait le Koweït de près des deux tiers de son territoire pour le donner au Najd, en arguant du fait que le pouvoir d'Ibn Sabah, les émirs de Koweït, appartenait moins au désert que ce n'en avait été le cas au temps de la convention turco-britannique. Au sud et à l'ouest du Koweït, lui-même s'est percé délimita deux zones qui, déclara-t-il, seraient des zones neutres. Il les appela zone neutre du Koweït et zone neutre de l'Irak. Abdul Latif Pacha al-Mandil fit alors mine de protester en prétendant que le Koweït n'avait nul besoin d'une zone neutre. Sir Percy lui répondit que les tribus du Koweït avaient besoin d'espace pour paître leurs troupeaux. Comme Abdul Latif Pacha insistait, Sir Percy lui dit: pourquoi diable êtes-vous si désheureux d'incliner cette zone dans le Najd? Naïvement, Abdul Latif Pacha répondit: parce que nous pensons qu'il y a du pétrole dans cette zone. C'est précisément pour cette raison que j'en fais une zone neutre, répliqua Sir Percy. Chacun en aura une partie égale. Donc là, nous sommes en 1922 et on est en train de fixer les frontières. Donc quand on vous parle des frontières des États arabes après-guerre, enfin, après la Première Guerre mondiale, nous avons que les frontières qui sont fixées dans la suite, dans la foulée de San Remo, ça, c'est évidemment pour les anciennes provinces de l'Empire ottoman, mais vous avez toutes les frontières de la péninsule arabique qui vont être progressivement définies par des arbitrages britanniques durant les années 20 et 30, même si ce ne sera pas complètement terminé, puisque les derniers arbitrages auront lieu dans les années 1950. Mais on voit donc la fabrication d'États s'étend maintenant à la péninsule arabique. Comme les Britanniques sont à court d'argent, en 23, ils suppriment les subsides accordés aux Saouds. Comme ils avaient déjà cessé de payer le roi Hussein, la perte financière est lourde pour le chef bédouin, mais libère les moyens de pression de la puissance impériale. Donc, Ibn Saoud laisse les Irouanes s'en prendre à la Transjordanie, tout en les désavouant si nécessaire. Les Britanniques tentent d'imposer des arbitrages entre les Hachémites et les Saouds. Mais ce Saoud de Tergiès est finalement le 5 mars 1924, deux jours après l'abolition du califat ottoman, Hussein, qui séjourne en Transjordanie chez son fils Abdallah, se proclame calife à la place du calife, ce qui le discrédite largement dans le monde musulman, à un moment où les Britanniques lui sont devenus hostiles, alors que ses sujets du Hedjaz le rejettent. Et on arrive là donc maintenant à la création du royaume d'Arabie Saoudite. De par son indépendance, le Hedjaz constitue le maillon faible de la chaîne des États hachémites qui bloque l'accès d'Ibn Saoud au croissant fertile. Parce que contrairement au mandat, il n'y a pas de protection militaire britannique. Dès la fin mai 1924, des assemblées des tribus, des religieux et des Irwans somment Hussein de renoncer à ses prétentions califales. Ibn Saoud fait ainsi de la guerre du Hedjaz une affaire essentiellement religieuse et qui, en tant que telle, ne doit pas concerner les puissances européennes. Et dans cette conquête du Hedjaz, il a le soutien des musulmans indiens, ce qui compte beaucoup pour les Britanniques, parce qu'ils ont toujours en perspective l'attitude des musulmans indiens pour la gestion de l'Inde. Donc, à la fin août 1924, les Irwans pénètrent dans le Hedjaz et beaucoup de tribus se rallient à eux. Les Britanniques annoncent leur neutralité, ne demandant qu'une seule chose, que l'accès des lieux saints soit assuré pour les fidèles de l'Empire britannique. Et ils imposent donc à la Transjordanie et à l'Irak à ne pas intervenir dans la guerre du Hedjaz. La seule chose qu'ils font, c'est de rattacher Aqaba, donc l'accès à la mer Rouge, à la Transjordanie, alors que ça faisait partie jusque-là du Hedjaz. À la fin août 1920, donc pardon, à 5 octobre 1924, Hussein abdique en faveur de son fils aîné Ali, mais la Mecque tombe sans résistance la semaine suivante. Saoud continue d'agir avec intelligence et prudence et à grignoter les positions, ce qui fait que l'étape finale, c'est le siège de Jeddah au début de 1925. Et il attend le succès en permettant les pèlerinages d'avoir lieu. Médine capitule le 5 décembre 1925. Le 18 décembre 1925, Ali abdique et part le 22 décembre. Et le 25 décembre, la guerre est officiellement terminée. Le 8 juillet 1926, les notables du Hedjaz font officiellement allégeance, Bayra, à Ibn Saoud, qui, cédant à leur sollicitation, parce que sinon il n'aurait jamais eu l'idée, prend le titre de roi du Hedjaz, tout en étant sultan du Najd. Donc il est roi du Hedjaz et sultan du Najd et ses dépendances. En février 1926, la Grande-Bretagne, la France, l'Union soviétique et les Pays-Bas, c'est-à-dire les grandes puissances coloniales musulmanes en terre d'islam, reconnaissent le nouveau roi du Hedjaz. Et Ben Saoud envoie son fils Faisal, l'émir Faisal, qui lui sert de ministre des Affaires étrangères, faire une tournée européenne pour marquer ce nouveau statut. En juin 1926, le nouveau roi organise un congrès du monde musulman à la Mecque. Il fait bien comprendre que les délégués n'ont pas à traiter des questions politiques, mais des modalités concrètes du pèlerinage à la Mecque. En fait, c'est un événement essentiel dans l'histoire de l'islam, ce congrès de la Mecque de juin 1926, parce que les wahhabites, jusque-là, étaient considérés comme des marginaux et comme presque des hérétiques par rapport à l'ensemble de l'islam sunnite, alors que maintenant ils sont reconnus officiellement par le reste du monde musulman comme sunnites, et progressivement ce sont eux qui vont définir le sunnisme pour le siècle qui suit. Donc ils passent d'une situation de marge de l'islam sunnite à la centralité d'aujourd'hui. Alors au Hedjaz, les wahhabites entreprennent une purification religieuse qui passe par la destruction des sanctuaires établis sur les tombeaux du prophète, de ses parents, de ses compagnons et de façon générale de tous les saints de l'islam. Le puritanisme autoritaire est imposé de force. Alors, les Britanniques, eux, ont mis au point des patrouilles du désert en Transjordanie et en Irak pour arrêter les incursions des Irouanes et font savoir qu'il n'est pas question de tolérer de nouvelles progressions wahhabites vers le croissant fertile. Et donc, Ahmed Saroun comprend parfaitement le message, parce que de toute sa vie, son essence politique, c'était jamais de se heurter à une grande puissance. Donc ici, les Britanniques. Et donc, il négocie avec les émissaires britanniques. C'est une longue négociation qui aboutit au traité de Jeddah du 10 mai 1927, qui reconnaît la pleine indépendance des possessions du roi du Hedjaz et du sultan du Nejd, la suppression des capitulations, puisqu'elles étaient appliquées à Jeddah, et officiellement quelques petites choses dont tout le monde se moque, comme la suppression de l'esclavage. Bon, on aura oublié de l'appliquer ensuite. L'esclavage sera supprimé dans les années 60 en Arabie Saoudite. Vous le savez tous, évidemment, puisque vous avez tous lu Cockenstock de Hergé, qui porte ce sur problème. Donc, avec la conquête du Hedjaz, Abdelaziz, maintenant, découvre la modernité, c'est-à-dire les véhicules automobiles, les téléphones et la radio. Et il comprend que pour administrer ces territoires, il a besoin de ces instruments modernes. Et évidemment, ces instruments modernes, qui apparaissent diaboliques aux chers religieux et aux Irouanes, suscitent de fortes résistances. Et surtout, ce que les Irouanes n'acceptent pas, c'est la fin des attaques contre la Transjordanie et l'Irak. Parce que eux, ils veulent la domination du vrai islam et accessoirement de faire des chefs des Irouanes les maîtres des territoires conquis. Ils veulent partager le pouvoir et s'opposent avec la volonté de Abdelaziz de le centraliser autour de sa personne, ce qui conduit à la rébellion des Irouanes en 1928. Après avoir tergiversé, Saroud réussit à diviser ses opposants. Et en 1929, il somme les dissidents de se soumettre et de rendre le butin, ce qui lui vaut cette réponse. Tu étais notre imam au Abdelaziz et tu nous as prêché le djihad contre les kafirines et contre les infidèles. En tant qu'État chiite, l'Irak doit être détruit, comme tu l'as dit souvent, et tout le butin serait alors halal, légitime. Tu as souvent cité le Coran pour nous démontrer que tout ce qui est entrepris par les vrais croyants contre les infidèles est méritoire. Aujourd'hui, à la demande des Anglais eux-mêmes, des kafirines, tu nous dis à nous, les guerriers méritent, à nous, l'épée de l'islam, que nous avons eu tort et que nous devons rendre le butin capturé. Soit tu es un imposteur et tu ne recherches que ton propre avantage égoïste, soit le Coran n'est pas le vrai livre, que les ulémas du Nage choisissent entre toi et nous. Mais le roi rappelle que seuls les ulémas ont le droit d'interpréter les textes religieux et non pas les combattants, et qu'il faut obéir au roi dans les actes comme dans les pensées. La révolte prend de l'ampleur, évidemment soutenue à distance par les Hachimites et par l'émir du Koweït. Les Irouanes sont ainsi conduits à demander une protection britannique, ce qui montre l'absurdité de la politique du désert, puisqu'une révolte anti-britannique demande l'appui des Britanniques. Mais la puissance impériale préfère évidemment l'ordre des Saoud et informe le roi des déplacements des Irouanes, suivis même en territoire saoudien par l'aviation britannique, c'est-à-dire qu'on est en pleine modernité. Les avions britanniques tracent les Irouanes et ensuite on informe par radio Ibn Saoud du mouvement des rebelles. Donc les rebelles sont progressivement refoulés sur les frontières de l'Irak où ils se heurtent aux troupes anglo-irakiennes, aux fameux patrouilles des déserts, et ils sont désarmés et leur chef livré à Ibn Saoud à condition d'avoir la vie sauve. Donc la défaite des Irouanes s'explique par l'usage de la technologie moderne et le soutien actif des Britanniques, mais aussi par le soutien inébranlable de la hiérarchie religieuse à la monarchie, sur la base d'un partage des fonctions. À Abdelaziz, la gestion de ce qui est politique, aux religieux, le contrôle de la vie sociale, sur la base d'un puritanisme intransigeant. il travaille à accélérer l'intégration du wahhabisme dans l'islam sunnite. Les victoires de Ben Saoud et son indépendance par rapport à la puissance impériale dominante lui ont attiré les faveurs d'un certain nombre de réformistes musulmans sunnites qui apprécient la volonté de débarrasser l'islam des superstitions populaires. Ce retour aux sources va dans le sens du postulat toujours exprimé mais jamais vraiment vérifié que l'application scrupuleuse de la charia, de la loi islamique, est le seul moyen légitime et possible pour que la communauté musulmane retrouve sa force et sa puissance. Là, je vais me faire condamner par une fatwa. Bon. Alors, on a le type même, déclaration d'Ibn Saoud des pèlerins musulmans le 10 mai 1929. On nous qualifie de wahhabites pour tenter de faire croire que nous avons une école à part. C'est là une grave erreur engendrée par la propagande hostile et malveillante. Mohammed Ben Abdel Wahhab ne prêcha rien de nouveau. Nous ne sommes pas les adeptes d'une nouvelle école ou d'un nouveau dogme, Akida. Notre doctrine est celle des pieux ancêtres que prescrivent le Coran et la Sunna. Nous respectons les quatre écoles juridiques, sous-entendu de l'islam sunnite. Les quatre écoles en question, les pieux ancêtres en question, sont évidemment les salafs. Donc, en 1929, le monarque affirme que le Hanbalo wahhabiste n'est autre que l'expression de la salafia, ce qui ne peut que déplaire aux religieux wahhabites de stricte obédience. Alors, les choses sont d'autant plus compliquées dans cette affaire que les Européens ont l'habitude de traiter les salafites en Afrique du Nord ou au Proche-Orient de wahhabites. Quand vous avez dans les textes des coloniaux français sur l'Afrique du Nord au XIXe siècle ou au début du XXe siècle mention de wahhabites, il faut comprendre non pas des disciples des gens de l'Arabie centrale, mais en fait les prédécesseurs de la salafia. Et on a donc un jeu compliqué entre le mouvement salafite et le Hanbalo wahhabite, qui ne sont pas exactement la même chose, mais qui à certains moments ont tendance à se confondre. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est qui donne la migraine à tous les gens raisonnables qui essayent d'y comprendre quelque chose. Donc on s'en sort en disant, vous savez, l'Orient est compliqué. Alors, l'édifice institutionnel s'achève avec la fusion du Hejaz et du Najd sous le nom de Royaume d'Arabie Saoudite le 22 septembre 1932. La conception du roi est essentiellement patrimoniale au sens le plus littéral du terme. Le royaume lui appartient. Et d'ailleurs, la dynastie le pense toujours aujourd'hui. Il a ainsi travaillé à affaiblir les grands groupes tribaux en jouant sur les rivalités entre les différents lignages. Ceux qui ne se mettent pas sont écartés de la redistribution des richesses. Il a mené une politique matrimoniale active, épousant simultanément et successivement des femmes appartenant aux grands lignages tribaux, ce qui aboutit à donner une représentation tribale au sein de sa propre descendance. Il ne s'agit pas de mariage entre égaux, mais ces mariages expriment la domination de la dynastie sur l'ensemble de la société. Ainsi, les autres lignages sont marginalisés, qu'ils appartiennent aux Saoud ou non. Il y a des frères, des cousins, etc., Ibn Saoud, mais on centralise sur sa propre descendance. Alors, la succession royale va passer exclusivement par la descendance du souverain selon la loi du seigneur. En 1953, à sa mort, il aura 43 fils et environ 50 filles. On n'a pas le nombre exact pour les filles. Donc, vous comprenez que enfin, le roi Salman est encore l'un des derniers descendants direct, le fils d'Abdelaziz. Il est donc la personne qui peut dire « Mon papa, il est né au XIXe siècle. » Ce qui est un peu plus rare aujourd'hui. La création du royaume d'Arabie Saoudite repose donc sur la question irritante et exaspérante du rôle du grand homme en histoire. Bien évidemment, tous les éléments qui ont permis de le constituer lui préexistent. Mais c'est bien le charisme et l'intelligence stratégique de Abdelaziz qui ont été les facteurs essentiels. Il a su utiliser les potentialités du Hanbalo wahhabisme comme instrument de cohésion sociale et de dynamisation des groupes, tout en les subordonnant constamment aux impératifs de sa politique. Cette ligne de conduite se retrouve dans son jeu permanent avec les Britanniques. Pour paraphraser une phrase célèbre, et qui pourrait être appliquée aujourd'hui à bien des situations, il faut savoir terminer un djihad. Le royaume est bien une création endogène, mais il ne s'est jamais construit en opposition à la grande puissance impériale. La politique du désert s'est ainsi trouvée imbriquée dans la politique internationale. Une fois le royaume constitué, le sentiment d'encerclement perdure puisque les États hachémites sur ses frontières nord, tandis que l'imama yéménite lui est profondément hostile à cause de la perte du Rasir, d'où une guerre entre les deux pays, du Yémen et l'Arabie saoudite en 1934, qui conduira à la perte de nouveaux territoires du Yémen et à une inimitié durable entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les protectorats britanniques de Koweït et d'Oman interdisent toute expansion vers le Golfe, alors que certaines frontières ne sont pas encore délimitées, d'où la question de la définition des mouvances tribales. Et là, maintenant, nous allons basculer de l'autre côté de la force en voyant les autoritarismes modernisateurs, donc après le puritanisme religieux. Alors, on démarrait évidemment par l'Iran, enfin par la Perse, puisque, je vous rappelle, les Britanniques ont installé au pouvoir le 21 février 1921 grâce à un coup d'État intelligemment mené, Reza Khan, qui a pris le commandement de toutes les forces armées, tandis que l'ambiance devient de plus en plus nationaliste. Et Reza Khan contrôle aussi le ministère de la guerre, et les Britanniques émettent une espèce de doctrine de Monroe interdisant à tout étranger d'accéder à une position importante en Perse. Néanmoins, Reza Khan réussit à faire venir des conseillers financiers américains en décembre 22, qui permettent de moderniser le régime fiscal. Progressivement, il devient l'homme fort du gouvernement, ce qui lui vaut la méfiance croissante des Britanniques. Le Shah Qajar, plus soucieux de gérer sa fortune personnelle que d'essayer de gouverner, n'a plus grande importance politique. L'armée est réorganisée et commence à devenir une force conséquente. Elle combat avec succès les différentes insurrections provinciales. L'objectif le plus important est de mettre fin à l'hégémonie des tribus sur le site de l'Iran, qui font partie de la clientèle traditionnelle de la Grande-Bretagne. Il en est ainsi de l'émirat arabe quasi indépendant de Mu'amara, sur le Shatt el-Arab, et de la région s'appelle à l'époque l'Arabistan. Et en dépit des Britanniques, en 1924, l'armée iranienne, enfin persane, occupe l'Arabistan, met fin à l'autonomie du Shah de Mu'amara, et donc Mu'amara devient Khorramshahr, et l'Arabistan devient le Rosistan. Et on voit donc l'action centralisatrice du nouveau pouvoir iranien, enfin persan. Il s'est fait désigner comme premier ministre le 28 octobre 23, tandis que le Shah quitte le pays le 5 novembre. Il dispose, grâce à réforme fiscale, de nouveaux revenus qu'il consacre à la modernisation de l'armée et de l'économie. Avec brutalité, Reza cherche à rétablir la grandeur de son pays qui passe par l'établissement de son pouvoir personnel. La monarchie Qajar est complètement discréditée. Et une campagne de propagande est lancée pour créer une république de Perse. Mais le clergé chiite s'oppose au projet de république, surtout à un moment où l'islam est tout à fait ébranlé par l'abolition du califat par Mustafa Kemal et la création de la République de Turquie. Le clergé chiite ne veut pas d'une république de Perse qui pourrait être le même modèle de la république de Turquie de Mustafa Kemal. D'autant plus qu'on pense bien que derrière là, il y a un projet de laïcisation autoritaire. Donc, devant l'opposition du clergé chiite, Reza Khan renonce à construire une république, mais il est maintenant en position de force. Et en mai 25, il supprime tous les titres de noblesse qui avaient connu une inflation extraordinaire. Ils avaient des noms magnifiques, les persans du 19e siècle, ombre de Dieu sur terre, gouverneur de la mort. Il y avait des kilomètres de titres, c'était très beau. Mais il impose, au contraire, des noms patronymiques, comme vont le faire aussi les Turcs à la même période. Et donc, il adopte le nom de Pahlavi, Pahlavi. Il devient donc Reza Pahlavi. Alors, Pahlavi, c'est un renvoi à l'antiquité pré-islamique, puisque c'est le nom de l'état de la langue iranienne à l'époque antérieure à l'islam. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence. Aujourd'hui, la naissance du royaume d'Arabie Saoudite, partie 2. À l'automne 1925, il lance la campagne contre la monarchie Qadjar. Les Soviétiques, puis les Britanniques, avec répugnance, annoncent qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et le 30 octobre 1925, le Parlement persan vote la déposition de la dynastie régnante et confie à Reza Pahlavi le gouvernement provisoire, ce qui conduit, le 12 décembre 1925, aux modifications de la Constitution qui fait de Reza Pahlavi le nouveau Shah, fondateur d'une nouvelle dynastie, les Pahlavi. Le 15 décembre 1925, il prête serment de souverain. L'idéologie du nouveau pouvoir est avant tout nationaliste, centralisatrice et moderniste. L'autoritarisme est nécessaire pour mettre fin à toutes ces faiblesses qui ont rendu le pays si misérable. Il faut mettre fin à l'ordre tribal qui empêche toute cohésion nationale et tous les particularismes. Alors, il adopte la méthode britannique de gouvernement qui n'est pas le Parlement mais le bombardement aérien et des éléments dissidents. Selon une logique bien connue, le programme de modernisation à outrance, conçu comme une occidentalisation, s'accompagne d'une exaltation du passé pré-islamique, de la grandeur impériale des dynasties pré-islamiques allant des Achéménides aux Sassanides. Le but est l'affranchissement du pays qui est marqué par l'abolition des capitulations le 10 mai 1928. Comme lui-même est devenu le premier grand propriétaire terrien du pays par toutes ses confiscations, il n'est pas question de réforme agraire, mais son grand projet et de la création d'un chemin de fer qu'on appellerait le trans-iranien, reliant la Caspienne au Golfe, ce qui est un échec économique, parce que dans l'entre-deux-guerres, le modèle des chemins de fer est encore en train de décliner au Moyen-Orient, alors que le réseau de chemins de fer n'est pas achevé, parce que tout simplement le réseau automobile succède pour les transports et beaucoup plus souple que le réseau de chemins de fer. Mais ce développement des réseaux de chemin de fer et surtout routiers permet aux forces militaires iraniennes, enfin persanes, d'intervenir de plus en plus rapidement dans le pays et donc de mettre fin aux différentes dissidences. Le premier Pahlavi mène une politique de laïcisation acharnée. Pour abolir la capitulation, il a dû adopter un code civil et une législation pénale inspirée du droit européen, ce qui met musulmans et non-musulmans sur un plan d'égalité, ce qui est inacceptable pour les religieux chiites. L'enseignement du droit nouveau conduit à l'exclusion des religieux du champ juridique, puisqu'ils n'ont aucune compétence en droit suisse, si j'ose dire. Il en est de même avec la mise en place d'un enseignement moderne, qui va même jusqu'à la création d'un enseignement féminin. En 1936, le port du voile est interdit par la force, ce qui constitue un véritable traumatisme pour la société traditionnelle. Ces mesures de laïcisation s'accompagnent d'une brutalité croissante de la part du pouvoir, qui devient de plus en plus un gouvernement par la peur. Toute opposition laïque comme religieuse est durement réprimée. En 1935, Reza Shah impose le terme « Iran » plutôt que celui de « Perse » aux connotations trop vieillottes. Alors, définitivement, contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire, y compris dans la grande presse récemment, « Iran » a toujours été utilisé par les locaux. Ce n'est pas une invention. Simplement, c'est plutôt de rendre en usage international ce qui est la pratique courante dans le pays. Perse était plus étranger aux habitants que Iran, même si Iran, vous le comprenez, renvoie aussi à l'idée arienne, c'est la même racine. Mais les Persans, ça, eux, se disaient qu'ils étaient iraniens depuis longtemps. Sur le plan international, le pays bénéficie des traités conclus par l'Union soviétique au début des années 1920, allant de la Turquie à l'Afghanistan. Ces traités de bon voisinage interdisent toute action anti-soviétique à partir de la Turquie, de l'Iran et de l'Afghanistan, mais inversement, les soviétiques garantissent aucune ingérence dans les affaires des trois pays. Donc la Perse faisait partie des États fondateurs de la Société des Nations. C'était un des rares États musulmans, peut-être le seul à l'époque, qui était entré à la Société des Nations à sa fondation. L'Irak et la Turquie adhèrent à la SDN en 1932. L'Afghanistan y entre en 1934. Donc là encore, comme je le disais dans le cours précédent, sur le plan symbolique, c'est absolument énorme. Ils sont reconnus comme des États de plein droit à égalité avec les autres États du monde. Et ceci est absolument essentiel sur le plan psychologique. Et l'astuce politique de la région, de la période, c'est l'intelligence de Lénine qui a conclu au début des années 1920 des traités de bon voisinage avec ses voisins musulmans, qui fait qu'il n'y a pas de cordon sanitaire européen en Orient. C'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire, c'était les États allant de la Pologne et des Pays-Baltes jusqu'à la mer Noire, qui était le cordon sanitaire pour isoler l'Union soviétique à l'issue des traités de 1919-1920. Ici, c'est l'inverse. Il n'y a pas de cordon sanitaire, il n'y a que des accords de bon voisinage. Et les Britanniques sont parfaitement contents parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de s'opposer à une pénétration soviétique dans les États voisins. Mais la région est quand même ébranlée par les soubresauts des événements soviétiques, les terribles répressions dans les républiques dites musulmanes, provoque un dernier exode massif de musulmans vers les pays mitoyens, mais aussi des pays arabes et déjà un peu l'Europe. J'avais connu jadis en Égypte un monsieur qui était mon professeur de turc et qui était descendant d'une des grandes familles de Boukhara. Il m'a dit, nous étions 150, le seul survivant a été mon père. Tous les autres ont été tués par les soviétiques. Donc, vous avez eu des départs donc des gens des musulmans d'Asie centrale ou d'Azerbaïdjan qui ont fui le régime soviétique. Bonne partie sont allés d'ailleurs en Chine à l'époque, ce qui leur vaut quelques problèmes aujourd'hui dans le Xinjiang. D'autres, se sont allés jusqu'en Arabie Saoudite ou en Égypte, comme lui, et certains sont arrivés jusqu'en Allemagne. À cause de ces traités, l'Union soviétique est quasiment absente de l'Orient ou du Moyen-Orient dans cette période, même s'il y a évidemment des consulats et des ambassades soviétiques dans le voisinage immédiat. Il y aura même un moment un consulat soviétique à Jeddah, mais ça ne va pas durer longtemps, et le musulman qui a tenu le premier consulat soviétique à Jeddah, il sera ensuite au Goulag. Donc il y avait une promotion rapide des cadres à l'époque soviétique. Donc la force et la faiblesse des soviétiques dans cette région du monde résident dans le fait que les groupes humains qui sont présents en Union soviétique s'étendent aussi au Moyen-Orient, mais que ce sont des minorités. Ceux qu'on va appeler les colporteurs du Comintern au Moyen-Orient sont des Turcs azéris, des Turkmènes, des Kurdes, des Arméniens et des Juifs. Alors, ils peuvent passer plus discrètement et participer aux ébauches de partis communistes en Orient, mais la présence communiste est ainsi limitée aux minorités ce qui est évidemment une faiblesse cruciale dans ces pays. Après l'échec du djihad Made in Moscow du congrès de Bakou, il n'est plus question de fusion entre le soviétisme et un islam révolutionnaire. Et dans les pays musulmans, proprement musulmans, il y a très peu de recrutement de communistes dans cette période. Même le chef, à quelle époque, un des plus importants partis communistes, c'est en Syrie, c'est Khaled Bagdash, qui est un Kurde, pas un Arabe. Donc on voit bien que l'implantation communiste est très faible à cause justement des minorités. Alors, ce qui a inspiré Reza Shah comme ligne politique, c'est évidemment Mustafa Kemal en Turquie. En tant que libérateur de la patrie, Mustafa Kemal a une légitimité bien plus forte que celle de Reza Shah. Il a liquidé toutes les oppositions, y compris celles de ses anciens frères d'armes, et le régime kémaliste devient une véritable dictature à partir de 1925. Il réprime avec une terrible violence les insurrections kurdes qui sont à la fois religieuses et ethniques. La doctrine officielle devient qu'il n'y a pas d'autre population que des Turcs en Anatolie. Les Kurdes ne sont que des Turcs des montagnes qui ont oublié leur langue, il faut leur réapprendre. Alors, on essaye de modifier la composition ethnique d'Anatolie, mais ça ne donne pas de très bons résultats une fois que tous les chrétiens sont éliminés, évidemment. Les réformes laïcisantes se succèdent, le couvre-chef européen est rendu obligatoire, les confréries soufis sont interdites, l'alphabet arabe est abandonné au profit de l'alphabet latin. Établissement d'un droit civil sur le modèle européen, adoption d'un patronyme, Mustafa Kemal devient Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, et son compagnon d'armes, Ismet, prend le nom de la bataille qu'il a gagnée, donc il devient Ismet İnönü. Un véritable culte de la personnalité s'établit autour d'Atatürk, avec en particulier des statues qui sont autant de scandales pour les musulmans les plus pieux. Un nouveau récit national est inventé, faisant des Turcs le peuple premier de l'humanité. Le premier homme était turc, et tac, tac, tac. La politique étrangère de la République de Turquie est essentiellement conservatrice. Le projet d'homogénéisation de la Turquie est contraire à tout irrédentisme. Le panturquisme de la période précédente est abandonné, d'autant plus que les autres peuples turcophones sont sous domination soviétique et qu'il n'est pas question d'intervenir. Et qu'on ne veut pas se brouiller avec l'Iran, qui a une population turcophone d'Azérie. Si le communisme est combattu à l'intérieur, avoir des bonnes relations pour Ankara avec l'Union soviétique est une règle cardinale. Et le traité turco-soviétique est régulièrement renouvelé en 1925 et 1929, avec la clause de ne pas entreprendre d'action hostile contre l'autre partenaire, la fameuse clause de bon voisinage en quelque sorte. Le grand projet de la République de Turquie en relations internationales, c'est de devenir une puissance européenne. Une réconciliation est entreprise avec la Grèce qui aboutit le 30 octobre 1930 à la conclusion d'un traité d'amitié entre les deux puissances. L'entrée à la SDN en 1932 permet à la Turquie d'apparaître plus européenne encore, mais c'est le moment où l'esprit de Genève commence à décliner. La sécurité doit être assurée face aux ambitions méditerranéennes de l'Italie fasciste, qui est présente à proximité de la Turquie, puisque les Italiens sont depuis 1913 dans le Dodécanèse, les 12 îles autour de Rhodes. Et donc, durant toute la période, jusqu'en 1945, le premier danger étranger pour la République de Turquie, c'est l'Italie fasciste, qui est à 3 km de la côte turque. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Et d'autant plus que les Italiens ont fortifié le Dodécanèse, ce qui était théoriquement interdit par les traités. Alors en revanche, on fait donc des traités de bon voisinage avec la Grèce, d'entente cordiale, puis on signe des traités de non-agression avec la Roumanie et la Yougoslavie, ce qui aboutit en 1934 à ce qu'on appelle le pacte balkanique, avec tous les autres partenaires, sauf la Bulgarie, qui est en situation d'irrédentisme par rapport à la Grèce, à la Yougoslavie. Donc à la fois la République de Turquie se fait reconnaître un rôle essentiel dans les Balkans, par le pacte balkanique, mais un rôle conservateur, contre toute forme de remise en cause des frontières. Même chose avec l'Iran en 1932, où un traité permet de stabiliser exactement la frontière. La stratégie de pacte collectif est ensuite adoptée avec la conclusion du pacte de Sardabad, donc avec l'Irak et l'Iran. Sardabad, c'est le nom d'un palais à Téhéran. Ce traité prévoit le maintien des frontières, la non-ingérence dans les affaires intérieures, la non-agression et la consultation sur les affaires communes. Cette sécurité collective entre la Turquie, l'Irak et l'Iran, en fait, une signification essentielle, c'est une assurance commune contre tout mouvement autonomiste kurde. La dégradation de la situation internationale fait comprendre aux responsables britanniques qu'il n'est pas possible de s'opposer à une éventuelle remilitarisation des détroits. Une conférence est organisée à Montreux en 1935, qui aboutit à la fameuse convention de Montreux, qui permet à la Turquie de remilitariser les détroits, ce qui lui permet de protéger Istanbul. La convention fixe les possibilités de passage de navires de guerre entre la Méditerranée et la mer Noire. Elle est toujours valide aujourd'hui, même si on verra qu'elle sera remise en cause au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, après le coup de sabre saoudien, on a les autoritarismes modernisateurs que l'Occident va reconnaître comme des choses positives, parce que c'est une laïcité. Les radicaux socialistes français sont aux anges, si j'ose dire, devant le laïcisme kémaliste. Mais il faut bien comprendre que c'est un laïcisme imposé par la force à des populations des plus réticentes. Ce sont des véritables violences traumatisantes pour ces sociétés, qui elles-mêmes sont issues d'une période antérieure de destruction, de violence, etc. Alors, ceci nous conduit, dans la foulée du feuilleton, un nouveau chapitre, donc la nouvelle économie politique régionale. Au début du XXe siècle, l'économie du Moyen-Orient reste essentiellement agraire et artisanale. Les capitulations interdisent toute mesure protectionniste, ayant pour finalité la création de l'industrie, ce qui est d'ailleurs handicapé par l'absence de ressources de charbon, en dehors de quelques gisements exploités en Anatolie. La guerre, la Grande Guerre, en interdisant les importations, a permis l'ébauche d'un mouvement d'industrialisation, surtout en Égypte. Mais la suppression des capitulations, sauf pour l'Égypte qu'il faut attendre 1937, va conduire à une transformation économique radicale, avec l'accord des puissances mandataires. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les puissances mandataires, finalement, elles n'ont pas grand intérêt économique dans la région, parce que comme ce sont des mandats de la Société des Nations, il y a égalité de tous les membres de la Société des Nations à l'accès économique des territoires. Ce n'est pas une zone protégée. Donc les puissances mandataires vont accepter la révolution fiscale qui va changer complètement la situation des États du Proche-Orient. La base fiscale du système ottoman était la terre, puisque les capitulations empêchaient toute véritable industrialisation. Ce qui se passe, et ça va être accéléré par la crise mondiale des années 30, c'est que les nouveaux États vont progressivement établir des législations fiscales protectionnistes conduisant à diminuer les impôts fonciers. Donc l'agriculture va se trouver dégrévée, ce qui va être un élément supplémentaire d'expansion de l'agriculture, mais essentiellement au profit des grands propriétaires qui sont la base politique des régimes des nouveaux États. Mais il y aura un boom agricole parce que, tout simplement, la fiscalité sur les campagnes diminue drastiquement dans cette période puisqu'elle est transférée sur les importations. Et du coup, le Proche-Orient entame un mouvement qui est défini par les économistes comme étant une industrialisation par substitution des importations. Ceci est aussi accéléré par le début de l'électrification qui permet d'étendre le domaine de l'artisanat comme en Europe. C'est-à-dire, vous avez toujours l'idée de la révolution industrielle, des manufactures, etc., germinal, et tout ce que vous voulez. Je veux bien, mais l'arrivée de l'électricité à la fin du 19e siècle a relancé l'artisanat en Europe, puisque les artisans pouvaient avoir des moteurs pour faire tourner les machines, ce qu'ils n'avaient pas dans l'époque antérieure. Donc, à chaque fois que vous électrifiez un pays, vous renforcez l'artisanat. Alors, la région est divisée en trois hommes monétaires, ou trois ensembles monétaires. La Turquie et l'Iran mettent en place des banques d'État, des banques centrales d'État, ce qui met fin aux privilèges des banques européennes, puisque, par exemple, la monnaie ottomane était émise par la Banque ottomane, qui était une entreprise franco-britannique. Maintenant, vous avez une banque de Turquie qui émet la monnaie, le privilège d'émission est retiré à la banque ottomane. Les États du Levant ont une monnaie commune indexée sur le franc français, la livre étant fixée à 20 francs français. Alors la population y voit une vexation supplémentaire en invoquant le temps heureux de la monnaie hors ottomane, ceci oubliant la terrible inflation des années de la Grande Guerre. C'est vrai que dans les années 1920, le franc français fluctue considérablement à cause des inflations jusqu'à la stabilisation du franc français en 1928 avec le franc Poincaré, comme vous le savez tous, qui rétablit la valeur du franc au cinquième de sa valeur de 1914. Et donc dans cette période, la monnaie française a été plutôt sous-évaluée, ce qui explique en France un mouvement d'industrialisation des années 1920, puisque les produits français bénéficiaient d'un change très favorable sur le marché international, en particulier les automobiles, etc., Renault, Peugeot, ainsi de suite. Et au Proche-Orient, donc, même si les Syriens et les Libanais trouvent que ça aurait été bien d'avoir la monnaie hors ottomane, n'est pas son temps à se plaindre, en réalité, les fluctuations monétaires avant la stabilisation Poincaré leur étaient plutôt favorables. Ce qui n'est pas le cas des États sous domination britannique, où la monnaie est indexée sur la livre sterling, qui se trouve nettement surévaluée, puisque les Britanniques ont rétabli la parité or de 1914 en 1925. Et donc la monnaie britannique étant surévaluée, toutes les monnaies dépendantes de la monnaie britannique sont surévaluées, comme la livre palestinienne, la livre égyptienne, la livre irakienne, et ainsi de suite. Mais en revanche, dans les deux pays, l'indexation des monnaies, soit sur le franc, soit sur la livre sterling, et le fait que ces monnaies, en réalité, soient contrôlées à distance par la Banque de France ou contrôlées par le Trésor britannique, fait que ces monnaies sont garanties. Et donc, les gens du Proche-Orient peuvent accéder à des prêts internationaux à des taux d'intérêt extrêmement bas, puisque la prise de risque est la même pour la Syrie, l'Égypte, que pour un prêt en Angleterre ou en France. On ne pense jamais aux conséquences positives du colonialisme, en un sens. Les lourdes dettes ottomanes et égyptiennes sont remboursées en valeur nominale, ce qui, en gros, conduit à une diminution des 4/5 de la valeur de la dette. Puisque si vous prenez la dette ottomane, elle est libellée en francs français, c'est en valeur or 14. Donc la Turquie liquide la dette ottomane au cinquième de sa valeur, ce qui est une très bonne opération financière dans cette période. Donc progressivement, vous avez aussi une révolution bancaire dans cette région, parce que vous avez toujours les grandes banques européennes qui sont là à travers le système colonial, mais vous avez maintenant l'émergence de banques locales, tenues par des locaux, créées par des locaux, et vous avez donc la création d'un système bancaire arabe, dont les plus grands noms sont encore connus aujourd'hui, comme la Banque Misr en Égypte, ou l'Arab Bank en Palestine, qui est créée dans les années 1930. Alors, à la fois, ces nouvelles banques privées sont des signes d'indépendance économique et politique, mais elles sont les partenaires des banques européennes. Il ne faut pas penser qu'elle s'oppose frontalement aux banques européennes, elle collabore avec les banques européennes. Mais pour l'Égypte, par exemple, c'est extraordinaire de voir une banque qui s'appelle la Banque d'Égypte, la Banque Mus, qui devient un des facteurs importants de l'économie locale. Et en Palestine, c'est la Barclays qui domine l'économie locale, plus la banque sioniste. Mais les Palestiniens arabes ont leur propre banque, l'Arab Bank, qui existe toujours et qui est toujours une puissance économique importante au Proche-Orient. La crise mondiale arrive dans la région à partir des années 1930. Les exportations chutent, la crise d'échange limite les conditions d'égalité aux accès des marchés mandataires. Les zones franc et sterling deviennent des réalités effectives, tempérées par la conclusion d'accords de troc avec les pays ne disposant pas de change. Les pays totalement indépendants, comme la Turquie et l'Iran, s'orientent vers un dirigisme économique ayant pour but de pallier l'absence de capitaux importés et donc se lancent dans des processus qu'on pourrait définir d'auto-industrialisation. Les pays plus assujettis s'orientent plutôt vers un projet d'industrialisation par substitution des importations opérées par des entreprises privées. Et donc, vous avez là une convergence économique avec le projet national d'indépendance dans le cadre des nouveaux États. Alors, la période de l'entre-deux-guerres ne voit pas de progression sensible du revenu par tête d'habitants du fait de la croissance démographique, des problèmes monétaires et de la Grande Dépression. Mais cette stagnation est apparente. En termes de développement humain, les changements sont considérables. Le développement des infrastructures scolaires, on a évoqué dans le cours précédent l'Irak, par exemple, et médical est conséquent, même si on est encore loin de pouvoir satisfaire tous les besoins. On se fait maintenant dans un cadre étatique et national, alors que le système scolaire, avant les 1914, était dominé par les missionnaires étrangers. Les systèmes de communication ont été complètement bouleversés avec l'extension considérable d'un réseau routier qui remet en cause la place des chemins de fer de l'époque précédente. Les communications aériennes débutent. À la fin des années 30, il y a des lignes aériennes qui rallient les principales capitales arabes. Au moment où la région, c'est ça le paradoxe historique, au moment où la région se scinde en entités étatiques, il devient de plus en plus facile de se déplacer sur de grandes distances. Un exemple simple, il fallait plusieurs semaines éventuellement contourner la péninsule arabique pour aller de Damas à Bagdad en 1914. En 1930, il faut 36 heures de voiture. Des changements absolument drastiques des perceptions de l'espace dans cet entre-deux-guerres. C'était les cours du Collège de France où venez d'écouter le 14 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui la naissance du Royaume d'Arabie Saoudite, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017 et Oriental, le volume 4, L'Orient dans tous ses états aux éditions du CNRS. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Plancher. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence et il sera question de la naissance du pays de l'or noir. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.